سورة بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في سورة النمل في المسألة الواحدة وثلاثين بعد المئة، سورة النمل مسألة، في قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهادية فناظرة بما يرجع المرسلون. Que Allah Azza wa Jal, il dit à propos de Bilqis, qui est la reine de Saba, dans le sens où Allah a dit: et certes, je leur enverrai un cadeau et je regarderai que ce que rapportent les messagers. C'est-à-dire comme information venant de Suleyman. Verset 35. Awalan tambih, comme le disent les muhaddithoun, les gens du hadith, que le nom Bilqis pour la reine de Saba n'a aucune preuve authentique. C'est une chose qui est connue, qui est fortement répandu, mais il n'y a aucun dalil, aucun hadith spécifique prouvant qu'elle s'appelait Bilqis. Et kazalik, mbab al-fa'ida, qu'ils disent que ce qui a été dit que Suleyman soit marié avec elle par la suite, cela également ne contient aucune preuve authentique. Mais c'est une chose qui est répandue. Na. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, yadullu ala ta'adud rusulihim ila Suleyman. Donc ce verset montre que les envoyés à Suleyman étaient plusieurs. D'accord ? Que plusieurs envoyés ont envoyé Suleyman, alayhi salam. Wa qawluhu falamma jaa Suleyman bi ifrad fa'il jaa. Wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Suleyman annahu qala irji' ilayhim falanatiyannahum bi junud. Al-aya yadullu ala anna ar-rasul wahid. Donc là, à l'opposé de cela, on a d'autres versets qui laisse apparaître que celui qui est venu à Suleyman était tout seul. Comme dans le verset où Allah est dit, et lorsqu'il est venu à Suleyman, c'est-à-dire au singulier, par rapport au verbe Ja'a Suleyman, qu'on traduirait par venir en français, il n'a pas dit ils sont venus, il a dit Ja'a, man qala Ja'u. Et également dans le sens où Allah est dit, lorsque Suleyman dit retourne vers eux, c'est-à-dire en parlant de cet envoyé de la reine de Saba, Suleyman lui a dit retourne vers eux, et nous allons certes leur venir avec des troupes puissantes. Donc il n'a pas dit irji'u, il a dit irji', c'est-à-dire retourne vers eux. Ce qui laisse démontrer que l'envoyé qui est venu à Suleyman était tout seul. Qala wa dhahiru fil jawab huwa ma dhakarahu ghayr wahidin min anna ar-rusul jama'atun wa 'alim ra'is minhum. Fal jam'u nadharan ila al-kull wal ifrad nadharan ila ar-ra'is li'anna man ma'ahu tabi'un lah wal 'ilmu 'inda Allah ta'ala. Et la réponse, elle est apparente, comme l'ont dit plusieurs, c'est que tout simplement, ils ont été un groupe d'envoyés qui sont venus à Suleyman, et ils avaient à leur tête un meneur, un chef. Et c'est à cet homme-là que Suleyman parlait au singulier. Ça revient au verset qu'on a pris dans Surat Taha, lorsque Pharaon a dit à Moussa, « Waman rabbukuma ya Moussa ». Il a dit « Qui est votre seigneur à tous les deux ?» ou Moussa. C'est-à-dire qu'il parle à Moussa, en même temps, il s'adresse à Haroun, car ils étaient tous les deux. Mais le discours est tourné vers Moussa en particulier. Donc là, c'est la même chose. Donc là, il n'y a pas d'ishkel. Même si le verset est venu au singulier, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas tout un groupe d'envoyés vers lui. Allahu ta'ala alam. Falhamdu ya rabbil alamin.